Chapitre 27e. On arrive à propos. Paulin Broquet, quand l'amorce lui eut fait son rapport sur la maîtresse de Julie, qui prisait et mettant le rikiki, pressentit la vérité, devina ce que pouvait être cette mystérieuse Madame Verdier. Le stratagème de la cure mensuelle lui sembla le seul qui pût lui permettre dans les meilleures conditions l'accès auprès de la bonne dame, et également le seul qui amena Madame Verdier, sans méfiance, à faire les déclarations que le détective tenait par-dessus tout à entendre. Le stratagème, nous l'avons vu, réussit à merveille. Mais nous savons que Paulin Broquet avait pour adversaire des hommes qu'il reconnaissait lui-même de première force. Il devait en avoir la preuve une fois encore. Madame Verdier n'était pas seulement séquestrée et en somme séparée du monde par son frère et son fils. Ces bandits la surveillaient étroitement, ayant toujours à redouter une indiscrétion de la part d'une femme qui savait tant de choses dangereuses. Naturellement, malgré les précautions prises par l'amorce, l'adresse qu'il y mit, ce que nous appelons toujours le baron Dupont et le comte de la Guérinière, eurent connaissance des faiblesses de Julie, des prises de tabac et des petits verres de rikiki. Paulin Broquet s'en douta certainement, mais il se dit qu'après l'affaire du hangar du quai de la Loire, les aides, fortement endommagées, et selon leur habitude, après chaque rencontre dramatique se trouvant éparpillées, et en train de soigner au loin leurs blessures, ne penserait probablement pas à s'occuper de la maison de cette infortunée Madame Verdier. Le moment était donc on ne peut plus favorable. Paulin Broquet en profita et il joua aussitôt le rôle de Madame Roulet, qui romancienne. Mais contre son attente, les aides veillaient. Quand la chiromancienne Madame Roulet pénétra en grand secret chez Madame Verdier, le baron et le comte en furent prévenus par leurs hommes de garde. Ils accoururent aussitôt. Malgré sa blessure à la cuisse, Zigomar, dont nous connaissons la merveilleuse énergie, voulut être là. Il espérait trouver dans cette nouvelle rencontre enfin sa vengeance. Avec l'aide de son oncle, le baron Dupont, il gagna l'appartement de Madame Verdier, et oubliant dans sa haine ses souffrances, il bondit dans la pièce où la pseudo-chiromancienne écoutait le récit de la pauvre malade séquestrée par les bandits. Nous avons vu comment il interrompit cet entretien. Paulin Broquet avait cependant eu le temps d'apprendre ce qu'il voulait savoir. Aussi Zigomar crut-il bon de lui fendre le crâne, pour en même temps en faire sortir, avec la cervelle, le souvenir de toute cette confidence. Zigomar pensa qu'il valait mieux se débarrasser par ce moyen pratique de Paulin Broquet, le tenant ici, en ce moment, en son absolue puissance, que le tuer plus tard, ailleurs, d'un coup de poignard ou de revolver. Son plan, d'ailleurs très simple, était de l'assommer dans cet appartement, puis de le transporter plus loin et de le jeter à terre dans la rue. On pourrait croire, quand on relèvera le corps, que cette pauvre femme s'était tuée en tombant sur la chaussée. Mais quand on ferait l'enquête et qu'on découvrirait qui était vraiment cette femme, qu'on reconnaîtrait en elle Paulin Broquet, l'émotion dans Paris ne connaîtrait pas de bornes. D'autant plus que Zigomar aurait eu soin de faire connaître à tous son indiscutable victoire. Il voulait en effet, après avoir assommé Paulin Broquet, lui tracer un Z au front avec son poignard et au moyen d'un fer rouge le marquer à son tour à la poitrine. Là où lui portait la tache indélébile imprimée par Paulin Broquet, il voulait tracer un Z indestructible, ce Z triomphal de Zigomar toujours vainqueur. Donc Zigomar donna un coup de massue à Paulin Broquet. Le détective, malgré son adresse, sa souplesse, ne put éviter le coup. Il fut violemment frappé. Si son crâne, protégé par la perruque, les frisettes en tire-bouchon, le chapeau perché n'éclata pas sous ce rude coup, comme l'espéraient les bandits, il n'en fut pas moins fortement ébranlé et atteint douloureusement. Mais comme Paulin Broquet tombait à terre évanoui, perdant le sang par le nez, par la bouche, dans la pièce firent irruption Gabriel et Lamorce, qui, à coups de poing terribles, surmettent en piteux état le comte et le superbe baron Dupont en quelques secondes. Paulin Broquet avait bien dressé ses hommes. Un mot suffisait pour leur indiquer la marche à suivre. À la mort, il avait dit seulement ceci. « Ce soir, tu amèneras chez Madame Verdier la chiromancienne dont tu as parlé à ton amie Julie. » Cela suffisait aux seconds pour comprendre que leur chef allait tenter un coup, qu'il allait s'exposer seul. Mais, expérience acquise, ils résolurent, eux, de leur côté, de tout préparer pour ne pas le laisser à la merci des hasards d'une expédition de ce genre. Aussi, quand l'amorce et la prétendue Madame Roulet furent partis, Gabriel et Simon, tous deux, les suivirent à distance. Tout était préparé par eux pour faire face à n'importe quelle surprise. Une automobile stationnerait aussi près que possible de la maison occupée par Madame Verdier, devant un marchand de vin. Le chauffeur et deux camarades devaient, comme par hasard, se rencontrer là et se tenir prêts à courir au premier signal. L'amorce monta donc chez Madame Verdier avec la pseudo-diseuse de Bonaventure, puis redescendit pour inspecter les environs. Enfin, sous prétexte de savoir ce que Madame Verdier pensait de sa sorcière, s'étant assurée que dans la rue, dans la maison, rien de suspect ne se présentait, il remonta trouver Julie avec un flacon de rikiki. Tout en savourant son petit verre, l'amorce écoutait, surveillait, se tenait sans cesse sur ses gardes. Mais dans la maison, il ne perçut aucun bruit suspect. Dans l'appartement même, il ne se douta pas un instant que quoi que ce soit d'anormal pouvait exister, quand tout à coup il entendit l'éclat de voix du baron Dupont et le cri de victoire du comte de la Guérinière. Il se précipita au secours de son chef. En même temps que lui, bondissaient Gabriel et l'ancien clown Simon. Les deux secondes, Paulin Broquet avait en effet aperçu trois ou quatre hommes dont la physionomie leur était maintenant connue, et ils les suivirent. Derrière eux, ils pénétrèrent dans la maison. Le baron Dupont et le comte de la Guérinière se croyaient ce soir trop sûrs de la réussite pour prendre la peine de changer leur physique. Peut-être aussi bien, prévenus à l'instant de la présence chez Madame Verdier de celui qui jouait l'ami de Julie et en qui ils avaient déjà reconnu l'amorce, s'étaient-ils empressés d'accourir pour surprendre le détective. De leur côté, ils s'imaginaient, non sans raison cette fois, que Paulin Broquet pouvait croire que ses adversaires, désorganisés après l'affaire du hangar, n'avaient pas eu le temps de se réunir et lui laissaient le champ libre et que, persuadé en outre qu'il était tout à fait méconnaissable, il n'avait pas pris les précautions dont il s'entourait généralement quand il partait en expédition. Paulin Broquet, à leur avis, venait de se jeter bénévolement dans la gueule du loup. L'occasion était trop belle pour la manquer. Ils accoururent donc, pénétrèrent dans l'appartement de Madame Verdier, sans éveiller l'attention de Julie et de l'amorce, et ils arrivèrent au moment où Madame Verdier faisait ses confidences au détective. Le comte de la Guérinière, entré par une porte derrière Paulin Broquet, le visa bien à la tête et poussa un cri de raillerie triomphante en abattant de toutes ses forces son casse-tête. Paulin Broquet tomba. Mais comme le comte allait maintenant l'achever, il fut projeté au fond de la chambre. Le poing de Gabriel venait de l'atteindre à la mâchoire et d'un vigoureux swing lui faisait, comme on dit en boxe, entendre toutes les cloches du village. Quant au baron Dupont, le clown, sans souci de la parfaite correction de ce gentleman, lui avait envoyé un tel coup de pied dans les reins que le baron alla s'aplatir contre la muraille. Son nez donna sur le mur et se mit à saigner abondamment. Cela fut fait rapidement, silencieusement, avec une telle précision, une si parfaite dextérité, que quand le baron se remit de la violente secousse et qu'épongeant son nez affreusement tuméfié et saignant, il reconquit ses esprits, il se vit seul en face du cadavre de sa sœur et du comte de la Guérinière évanoui sur le parquet. Mais de la chiromancienne, de Paulin Broquet dont on se croyait maître, pas l'ombre. Gabriel et l'amorce descendirent leur chef, le portèrent jusqu'à l'automobile venu se ranger devant le trottoir, puis ils l'installèrent aussi commodément que possible sur la banquette qui, par un prolongement mobile, se transformait en une couchette très confortable. Tout d'abord, le chauffeur fila vers le centre de Paris. L'important était maintenant de s'éloigner de ce lieu. En route, on lui dirait où il fallait aller. Gabriel et l'amorce discutèrent un moment sur ce point. Devait-il conduire le chef chez lui, avenue Trudaine, ou à la villa de Neuilly? Ils pensèrent qu'avenue Trudaine, le chef serait encore sous le coup de l'espionnage qui l'énervait. D'un autre côté, se doutant qu'à leur trousse devait se trouver une auto de la bande Zigomar, ils ne voulaient pas aller à Neuilly pour ne pas laisser connaître la maison du chef. Quant à un hôpital ou une maison de santé dans Paris, il fallait les éviter, non que les soins fussent mauvais, mais parce qu'on y serait assailli par les reporters qui, dès demain certainement, grâce au racontard de Julie, épouvantée de la descente de police, seraient mis au courant d'une partie des événements. C'est alors que Gabriel et l'amorce eurent l'idée d'aller demander à André Girardet s'il voulait accueillir le chef blessé. André Girardet s'empressa de recevoir Paulin Broquet. Un coup de téléphone avertit le docteur Robert, qui ne tarda pas à paraître avec son frère. l'idée des seconds du détective parut à tous des plus heureuses. Et d'ailleurs, Paulin Broquet, à peine installé confortablement dans la chambre que lui fit préparer André Girardet, ne tarda pas à revenir avec lui sous les premiers soins que ces hommes lui prodiguaient. Quand le docteur arriva, il avait recouvré tous ses esprits. Le docteur Robert examina la blessure au crâne pour se rendre compte du mal causé par le coup de massue. Grâce au chapeau, à la perruque et grâce aussi à la bonne qualité de la charpente de Paulin Broquet, le détective n'avait pas été tué du coup. Paulin Broquet fut quelques jours à se remettre, à sentir s'effacer peu à peu la douleur qu'il éprouvait à la tête. Puis il reprit son service dans Paris, revenant seulement coucher à la villa, comme le lui avait demandé André Girardet pour qu'il achevât de se remettre. D'ailleurs, Madame Laurent, Riri et Marie la Bossue venaient aussi coucher à la villa. On redoutait un nouveau coup des Igomards contre Riri. Il se pouvait que les bandits, ayant plusieurs de leurs complices prisonniers, essayassent ou de se venger sur Riri, ou de la prendre comme otage et d'en proposer l'échange contre les prisonniers. Paulin Broquet avait placé deux hommes à lui, qui ne perdaient pas de vue la jolie Riri pendant ses courses dans Paris. Mais à la villa, il semblait plus facile, plus commode, de surveiller Riri la nuit, tout en gardant le chef en même temps. D'ailleurs, Zigomar devait de son côté se trouver peu disposé à entreprendre tout de suite une nouvelle attaque. Gabriel disait à Paulin Broquet, en lui racontant l'événement, qu'il gardait la sensation d'avoir donné un coup de poing formidable, d'avoir fortement endommagé son homme. Et cependant, voici ce qui était incompréhensible, l'ancien clown Simon, en tant que valet de pied du cercle, et l'amorce, en tant que spectateur au concert, donnait à Paulin Broquet l'assurance que le comte de la Guérinière n'avait pas cessé un soir, une heure, de paraître au cercle, de venir applaudir Lucette Minois, de parader, de souper gaiement, et de mener joyeusement la vie de plaisir qui toujours fut celle du brillant comte Faustin de la Guérinière. Le clown Simon, qui doué lui aussi d'une force peu commune, s'y connaissait aussi bien que Gabriel en coup de poing et en résultat de swing, et Gabriel lui-même examinait, étudiait avec grande attention le visage du comte de la Guérinière. À Paulin Broquet, avec étonnement, ils affirmèrent que cette figure, qui devait avoir été fortement atteinte, ne portait pas la moindre trace du formidable coup de poing reçu par Zigomar. « c'est bon, » répondit seulement Paulin Broquet à Gabriel. « Si ton Zigomar ne présente aucune trace de ton chasse-mouche, mon comte de la Guérinière à moi porte une marque qui jamais ne s'en ira. Et par cette marque, nous le retrouverons. »